بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لونجا الله سبحانه وتعالى كي نوزا كومبلي de cette assise et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter de ses bienfaits. فهذا إن شاء الله مجلسنا السابع في هذه الدروس التذكيرية حكم وأحكام رمضان. Donc c'est notre septième assise إن شاء الله dans ces assises du rappel sur les règles et sagesse de du jeûne de Ramadan. فإن صام فالصيام فريضة على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآية تدل على أنه عبادة عالمية كتبها الله من قبل على المؤمنين من الأمم السابقة، وإن كان لا يلزم من ذلك التماثل في صفته من كل الوجوه. فإن صام مشرك لا يدين بالإسلام دين التوحيد لا يقبل صيامه، بل لا يقبل منه أي عمل صالح، لقوله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والضمير يعود هنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين لك خطر الشرك، يبين لنا خطر الشرك. ومستحيل أن يقع الشرك من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أي نبي عليهم الصلاة والسلام، لكن هذا الخطاب يبين لنا فيه الله سبحانه وتعالى خطر الشرك على العباد. وقال سبحانه وتعالى فيما يخص بعد أن ذكر جماعة من الأنبياء والمرسلين، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والضمير هنا يعود على جماعة من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا ولو تفيد أن هذا لا يقع منهم صلوات ربي وسلامه عليه، فلو هنا افتراضية، لو وقع منهم لحبط العمل، لكن مستحيل أن يقع الشرك من الأنبياء والرسل. وقال العلماء رحمهم الله تعالى: وإن صام من دون البلوغ كتب له أجر صيامه وإن كان غير مكلف، وإن كان مرفوعا عنه القلم لكنه يكتب له أجر الأعمال الصالحة إن أداها على الوجه الصحيح. فالقلم مرفوع عنه، أما له فيكتب له، يعمل العمل الصالح يكتب له، يخطئ لا يكتب عنه لأنه مرفوع عنه القلم. دونك لو جون دو رمضان est une obligation pour tout musulman et toute musulmane qui est pubère et qui possède sa raison. Car le verset dont Sourate Al-Baqarah nous dit, dont la traduction approximative du sens du verset, nous dit cela: « Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. » Donc le verset prouve que le jeûne est une adoration universelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour les croyants des communautés qui nous ont précédés. Et cela n'implique pas la ressemblance de la façon de jeûner, n'implique pas que leur jeûne et notre jeûne se ressemblent dans tous ces aspects. Abadan. Fa'indana hadith عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فهذا حديث يبين لك فرقا واضحا بين صومنا وصوم أهل الكتاب. Et nous avons un hadith, le hadith d'Amr ibn al-As, radiyallahu anhu wa arda, chez l'imam muslim, qui dit que le messager d'Allah, azza wa jal, a dit la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est la collation du suhur. C'est cette collation. Il fait la différence entre les deux jeûnes. Donc, dans ce hadith, il apparaît clairement que, qu'il y a des différences claires entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre. Les gens du livre qui nous ont précédés. Et cette collation d'Al-Suhur, c'est l'une des différences. Sinon, il y en a d'autres. فعند الأمم السابقة التي كانت قبلنا كان ما يسمى بالصوم وهذا الصوم لا شك أن فيه شيئا من التشابه بصيامنا وهو الإمساك وإلا ما كان صياما وكان عندهم صلاة وكان عندهم كثير من العبادات وهذا لا يلزم منها التماثل منها تماثل الصفة من كل الوجوه فالأمم السابقة كان عندها صيام كما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فأنبياء الله كانوا يصومون ومن آمن بهم كانوا يصومون والصيام الصحيح المقبول خاص بالموحدين وهو صيام المؤمنين الموحدين والتوحيد شرط في قبول الصيام وقبول أي عبادة من العبادات فأي عبادة كانت قلبية أو قولية أو عبادة بالجوارح فإن لم يصاحبها ولم تبنى على التوحيد فلا تقبل عند الله عز وجل Donc, les communautés qui nous ont précédés avaient aussi l'obligation de jeûner. Et il n'y a aucun doute que dans leur jeûne, il y a quelque chose qui ressemble à notre jeûne, qui est l'abstinence. Sinon, s'il n'y a pas cette abstinence, ce ne serait pas un jeûne. Parce que le jeûne, siyam, veut dire l'abstinence. Donc, ces gens du livre priaient. Ils avaient beaucoup d'adoration. Et cela n'implique pas que leurs adorations ressemblent aux nôtres dans tous leurs aspects. Abedan. Les communautés précédentes avaient l'obligation de jeûner. La preuve est le verset qui dit « Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédées. » Les prophètes d'Allah, alayhim salatu wassalam, jeûnaient, ainsi que ceux qui ont cru en eux. Mais le jeûne valide, c'est celui qui est accompli par le monothéiste, le croyant monothéiste. Le monothéisme est une condition pour l'acceptation du jeûne et de toute autre adoration. Toute adoration qui n'est pas basée sur le monothéisme, il est rejeté à la personne. Et il n'est pas accepté de lui. Si un polythéiste jeûne sans le monothéisme, son jeûne n'est pas valide. Et aucun autre acte ne sera accepté de lui. Car il est dit dans le verset, cité tout à l'heure, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine et tu seras certainement du nombre des perdants. Le pronom ici dans ce verset désigne notre messager alayhi salatu wassalam. Et cela nous montre la gravité de l'associationnisme. Et il est évident que c'est impossible que le messager alayhi salatu wassalam accomplisse du polythéisme. Mais ceci attire notre attention sur la gravité de l'associationnisme. Et dans l'autre verset, dans Sourate Al-Bétail, où il est dit après la citation d'un certain nombre de prophètes et de messagers, alayhi salatu wassalam, il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, mais si ils avaient donné à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain. Et on sait que c'est impossible que les messagers d'Allah et les prophètes puissent commettre de l'associationnisme. Mais ici, le verset, c'est pour attirer notre attention sur le danger que si l'associationnisme émane de n'importe qui que ce soit, ben ces œuvres seront détruites. Ils auront comme s'ils n'avaient pas lieu. Hein? Cela nous clarifie sur la gravité du danger du shirk. Et la phrase ici, mais si ils avaient, surtout ce mais si, hein? C'est une phrase qui signifie la supposition, là-haut. C'est une supposition tout simplement. Pour attirer notre attention sur la gravité du shirk, car il est impossible qu'un prophète ou un messager alayhi salam, puisse commettre des shirk. De là, il nous apparaît clairement le danger de l'associationnisme. Concernant le jeûne des enfants qui ne sont pas pubères et concernant toutes leurs adorations. L'enfant qui n'a pas atteint l'âge de puberté, s'il jeûne, il lui sera inscrit dans ce manuscrit des œuvres la récompense de son jeûne. Même s'il n'est pas pubère, et rien ne sera, il faut faire très attention, et rien ne sera inscrit contre lui comme péché. Mais lui sera inscrit toute bonne œuvre qu'il aura accomplie avec ses conditions, et qu'il aura accompli comme il se doit, sa récompense sera inscrite dans ce manuscrit. Le crayon n'écrit rien contre eux, celui qui n'est pas pubère, tant qu'il n'a pas atteint l'âge de puberté. Mais il écrit pour lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire toute bonne œuvre que celui qui n'est pas pubère aura fait, il sera transcrit dans son manuscrit sa récompense. Et tout mal qu'il aura fait, il ne sera pas transcrit contre lui. Donc le crayon écrit pour lui, mais n'écrit pas contre lui. فَفِمَا يَخُصُّ عِبَادَةُ الْأَطْفَالِ غَيْرِ الْبَالِغِينَ فَإِذَا صَلَّى هَذَا الطِّفْلُ غَيْرِ الْبَالِغِ الصَّلَاةَ بِشُرُوطِهَا وَأَتْقَنَهَا كُتِبَ لَهُ أَجْرُهَا وَإِذَا امْتَنَعَ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة لا بد أن يعلم بنية العبادة لا بنية نقص الوزن. يقول له أبواه أنت سمين صم لكي ينقص وزنك. لا أبدا، يجب أن يصوم بنية العبادة وأن يعلم هذا وإن كان غير مكلف. فإذا صام بنية نقص الوزن فلا أجر له، وإذا صام بنية العبادة فله أجر. Donc les non pubères, s'ils accomplissent, par exemple si un non pubère accomplit la prière avec toutes les conditions de la prière, la purification, et il accomplit la prière comme il a été demandé, il lui sera transcrit la récompense de cette prière. Et s'il s'abstient de manger, de boire depuis l'apparition de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil avec l'intention de l'adoration et non avec l'intention de maigrir, il lui sera transcrit sa récompense pour l'intention de l'adoration. Si les parents lui disent « Tu es gros, jeûne pour maigrir », et qu'il jeûne avec cette intention, il n'aura pas de récompense. Il n'aura pas de récompense. D'où l'importance que les parents doivent apprendre à leurs enfants d'accomplir les adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et par adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est de notre devoir à tous d'apprendre à nos enfants et de les habituer à accomplir les bonnes œuvres avec l'intention de l'adoration. ولعل قائلا يقول كيف يؤجر من دون البلوغ؟ والحديث عند الإمام أحمد يقول: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. وهؤلاء الثلاثة لا يؤاخذون على ما عملوا، أي لا إثم عليهم. فبارك الله فيك، تأمل الحديث ماذا يقول: رفع عنه أم قال رفع له؟ فهناك فرق بين رفع عنه ورفع له. فالقلم مرفوع عنه، ها، مرفوع عنه إن كان عليه، أي إذا كذب، إذا سرق، إذا سب، إذا ترك الصلاة. لكن القلم مرفوع له إن عمل عملا صالحا بشروطه، فالغفور الرحيم سبحانه وتعالى رفع عن هذا القلم، لا يكتب له سيئات حتى يبلغ، هذا من جهة الذنوب. أما ما يؤدي هذا الذي دون البلوغ من عبادات صحيحة، فالقلم مرفوع له، أي يكتب له الحسنات، يكتب له أجرها، وليس مرفوع عنه في هذه الحالة. فالقلم ما دام لم يبلغ يكتب له الحسنات، ولا يكتب عليه الأخطاء والذنوب. Peut-être que quelqu'un parmi nous peut se poser la question en se disant comment le non-pubère est récompensé et si hasanat lui sont transcrits, alors que le hadith chez l'imam Ahmed rahimahullah nous dit: le crayon n'écrit rien contre celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, et n'écrit rien contre l'enfant jusqu'à ce qu'il devient pubère, il n'écrit rien contre le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Qu'Allah te bénisse, Akhal Islam. Mais dites bien le hadith qu'il dit. Il dit, n'écrit rien, rufi'a anhu. Ça veut dire, il n'écrit rien contre lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'écrit pas pour lui. Le crayon n'écrit rien contre lui quand il ment, quand il vole, quand il insulte, quand il délaisse la prière, tant qu'il n'est pas pubère. Mais le crayon écrit pour lui quand il fait une bonne œuvre avec ses conditions et quand il perfectionne cette bonne œuvre. Le pardonneur, subhanahu wa ta'ala, ne transcrit rien pour l'enfant avant la puberté en ce qui concerne les péchés. Mais quand il accomplit des adorations, il les perfectionne, le crayon écrit pour lui, écrit pour lui les récompenses qui en découlent. Donc tout ce que l'enfant, qui n'est pas pubère, fait comme bonne œuvre, les hasanat lui seront, la récompense lui sera transcrite dans son manuscrit. Et tout ce qu'il aura fait comme péché, comme erreur, il ne sera pas transcrit en lui tant qu'il n'est pas pubère. Et ça, c'est la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن الطفل المميز، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سن التمييز وهو 7 سنوات، حيث قال عليه الصلاة والسلام: مروهم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. فالطفل المميز الذي يأتي للصلاة متلبسا بشروطها، إن وقف في الصف فهذا لا يقطع الصف، بخلاف الطفل الغير المميز الذي يلعب في الصف ويخرج منه ويجري، فهذا الذي يخرج من الصف حتى لا يقطعه. أما المميز فلا يخرج منه، لأنه لا يقطع الصف، فهو متوضئ ويؤدي الصلاة مع المصلين. C'est pour cela que la parole la plus forte, et la parole la plus fiable parmi les paroles des savants, c'est que les enfants qui ont le discernement et le messager nous a montré quand est-ce que l'enfant atteint l'âge du discernement. L'âge du discernement en général est atteint par l'enfant à 7 ans. Et cela est stipulé dans le hadith du messager alayhi salam qui a dit « Habituez vos enfants à faire la prière à l'âge de 7 ans. Donnez-leur une correction à l'âge de 10 ans. » Ça veut dire s'ils la délaissent, tu dois les corriger. L'enfant maintenant qui a le discernement, quand il vient à la mosquée, on a réuni les conditions de la prière. S'il rentre dans un rang, il ne le coupe pas. Contrairement à celui qui n'a pas le discernement et qui fait n'importe quoi dans le rang, qui bouge dans tous les sens, il court entre les rangs, celui-là coupe le rang. On doit l'acculer à l'extrémité du rang ou derrière. Contrairement à celui qui a le discernement. Celui qui a le discernement, on ne doit pas le sortir du rang. Celui qui a le discernement et qui accomplit la prière comme il se doit, celui-là ne doit pas être sorti du rang et celui-là ne coupe pas le rang. Quant au hadith célèbre, on aligne les hommes devant, puis on fait la ligne des enfants, puis derrière la ligne des femmes, ceci c'est un hadith qui n'est pas fiable. C'est un hadith dont la chaîne de transmission est faible. Et donc, les hommes de science ne le prennent pas en considération, ils ne le mettent pas en application. Le hadith l'a dit, il dit, « Yusaffu al-rijal, thumma wara'ahum al-sibyan, thumma wara'ahum al-nisa, hada hadithun da'ifu al-isnad, fala yu'tabar inda ahli al-ilm. » Les enfants qui ont le discernement s'alignent avec les hommes dans les rangs, contrairement à ceux qui n'ont pas le discernement. Ceux-là, avec leur tuteur, se mettent à l'extrémité du rang. Ceux qui n'ont pas le discernement doivent être acculés à l'extrémité, à l'extrémité du rang avec leur tuteur. Hein? Ou alors derrière, jusqu'à ce qu'ils apprennent comment accomplir la prière et comment se tenir dans le rang. Et jusqu'à ce qu'ils ramènent les conditions pour rentrer dans la prière. Sinon, ils vont couper le rang. Et il n'est pas permis de mettre l'enfant qui n'a pas le discernement au milieu du rang. Car il coupe le rang. Et il nous est demandé de ne pas couper les rangs. Car il vient certainement sur le dos, il peut lâcher un gaz sans faire attention. Hein? Il joue dans le rang. Et donc, dans ces cas-là, quand il coupe le rang, il est au milieu. Qui va prendre le péché? C'est son père ou son tuteur qui l'a ramené avec lui, qui le met au milieu du rang. C'est lui qui prend. Donc, l'aulad, l'atfal, الذين يميزون ها يدخلون في الصف مع الكبار ها لكن الأطفال الذين لا يميزون ها يجب أن يكونوا في آخر الصف مع من أتى به من المسجد في آخر الصف حتى لا يقطعوا الصف أو يكونوا في الوراء حتى لا يقطعوا الصف ها حتى يتعلموا كيف يكون في الصلاة وكيف يؤدون الصلاة ويأتوا بشروطها ويكونوا من المميزين ففي ذلك الوقت يدخلون الصف مع الكبار ها ولا يجوز أن نأخذ طفلا غير مميز ونجعله وسط الصف فهذا يقطع الصف ها لأنه يلعب لأنه يأتي بدون وضوء لعله يخرج منه الريح ها فالإثم على من في ذلك الوقت؟ الإثم ليس عليه، الإثم على من أتى به. La seule chose qu'on interdit aux enfants qui ont le discernement, c'est d'être directement derrière l'imam. Car le messager d'Allah a dit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim, que derrière moi s'alignent les pubères et ceux qui sont doués de raison. Hein? Al-Shaykh al-Wahid. الذي نمنع منه الأطفال المميزين أن يكونوا وراء الإمام لماذا؟ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام والنهى فقط ها؟ وراء الإمام لا يكونون يكونون بجنب الصف أو ها؟ جنب اليمين والجنب اليسار ولكن لا يكونون وراء الإمام لأن وراء الإمام يجب أن يكون أولو النهى والأحلام. Et donc, s'il ne leur est pas permis d'être derrière l'imam pour la parole du prophète alayhi salatu wassalam, cela ne veut pas dire que nous devons, que nous interdisons aux enfants qui ont le discernement le premier rang. Abadan. Mais il leur est interdit d'être directement derrière l'imam pour la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Car les enfants des nobles compagnons radhiyallahu alayhim qui avaient les discernements, prenaient place dans les premiers rangs avec les compagnons, sans être derrière le prophète alayhi salatu wassalam. لماذا لأن أبناء أصحاب رسول الله كانوا يكونون مع الصحابة وراء رسول الله في الصف الأول، لكن ما كانوا يأخذون مكان وراء الإمام أبدا. فلنتأمل في ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. عندما كان صبيا كان يدخل في الصف مع الصحابة، ومرة صلى صلاة الليل قيام الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وجاء إلى يسار رسول الله فأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم من أذنيه وحوله من ورائه وجعله عن يمينه كأي كبير. عندما تصلي مع أحد ويكون إمامك تكون عن يساره أو عن يمينه؟ ها؟ تكون عن يمينه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه من أذنيه ها؟ فحوله إلى اليمين كأي كبير. Et nous avons à méditer la situation d'Abdullah ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Alors qu'il était enfant, il se mettait dans les rangs avec les hommes. Et une fois, il a prié la prière nocturne avec le messager alayhi salatu wassalam. Il s'y met, hein, il est venu, il s'y met à gauche de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'a pris de l'aube de son oreille. Il a passé par derrière et il l'a remis donc vers le côté droit. Comme n'importe quel grand, quand tu pries avec quelqu'un qui c'est lui qui dirige la prière pour toi, tu ne vas pas te mettre à sa gauche, tu vas te mettre à sa droite. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, hein, l'a pris, il a fait tourner de derrière lui et il l'a mis à sa droite, comme n'importe quel grand. Radiyallahu anhu wa arda, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. J'ai ouvert cette parenthèse pour les enfants, pour un but bien précis. Car je remarque, avec un grand regret, depuis 2013, que je viens au moins une fois ou deux fois, pour un mois ou plus, dans cette mosquée, il est désert des enfants. Il n'y a pas d'enfants. Même pendant les vacances scolaires. Et ceci est une grande catastrophe. Quand est-ce qu'ils vont apprendre la religion d'Allah? Quand est-ce qu'ils vont apprendre à cohabiter avec la communauté musulmane et à aimer le messager d'Allah et à aimer la religion d'Allah? Est-ce que l'amour de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala vont l'avoir sur les bancs de l'école laïque? Abadan akhal islam. Hein? La situation est très grave. Méditez combien de confort, de jouets on offre aux enfants. Combien de sorties en montagne pour le ski ou là pour autre chose, hein? Et de sorties vers la mer ou autre, combien de sorties on fait avec? Et réfléchissez dans l'année combien de fois vous les accompagnez à la mosquée. Alors qu'il nous est demandé de les habituer à la mosquée et de les habituer à venir les prières en commun. Et si on ne les ramène pas, même pas pendant les vacances scolaires, où est-ce qu'on va? Attention et attention. Préservez les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant votre descendance. Vous êtes en danger. Allah va nous questionner, va nous interroger sur la responsabilité de nos enfants. Comme ceci est stipulé clairement dans le verset. Ya ayyuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara 'alayha mala'ikatun shidadun ghiladun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Comme il dit ce verset, hein, qui nous avertit sur la négligence de nos responsabilités et de l'éducation de nos enfants. La traduction approximative du sens du verset nous dit, « Ou vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que ceux qui sont sous votre tutelle, sous votre responsabilité. Vous préservez de quoi ? Du feu de l'enfer dont le combustible ce sont les gens et les pierres et qui y gardaient part des anges forts qui ne désobéissent pas Allah et qui font ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. C'est un avertissement énorme. Comment on va les préserver ? En les éduquant. Avec une aqida authentique. En leur inculquant une aqida authentique sur Allah. En leur apprenant la connaissance d'Allah, la connaissance de son messager, la connaissance de sa religion. L'accomplissement de la religion sincère pour Allah et dans le suivi du messager alayhi salam. La compréhension de la religion. Comme l'ont compris les nobles compagnons radhiyallahu alayhim. فكيف تقي ابناءك النار بتربيتهم ان تربي نفسك على دين الله وعلى محبه رسول الله ومحبه دينه ومحبه المؤمنين بان تعرف الله حق المعرفه وان تعرف نبيك حق المعرفه وأن تعرف دينك حق المعرفة كل هذا بالأدلة فهذا الذي سيمكنك من أن تقي نفسك وتعلمهم هذا لكي تقيهم كذلك النار فأنت مسؤول عنهم. علي رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل عن هذه الآية قال علموهم وأدبوهم. ماذا يقصد بذلك؟ علموهم العقيدة، علموهم الدين، علموهم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. علي رضي الله عنه وارضاه كنت il a été questionné concernant ce verset, préservez-vous ainsi que votre descendance du feu de l'enfer. Il a dit éduquez-les. Il veut dire quoi avec? Apprenez-leur leur aqida, apprenez-leur qui est Allah, apprenez-leur qui est le messager d'Allah, apprenez-leur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas livrer nos enfants à la société comme ça et les laisser à la société, qu'ils deviennent comme les modèles de cette société. Abadan akhal islam, tu seras questionné, tu seras interrogé devant Allah subhanahu wa ta'ala. On ne doit pas non plus les laisser libres à eux-mêmes, à ce qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Abadan. ها فأنت مسؤول فاتق الله عز وجل في مسؤوليتك. ومحل فرضية الصيام شهر رمضان من كل عام فما سواه فتطوع. قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. وشهر رمضان أفضل الشهور، أفضل شهور السنة. إن سئلت يا عبد الله ما أفضل الشهور، إجابتك يجب أن تكون رمضان، فليس المحرم وليس ذو الحجة وليس رجب وليس شعبان وليس غيره من الشهور، أفضل الشهور شهر رمضان، فقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور، واختاره لإنزال القرآن سبحانه وتعالى دون غيره، ولم يذكر سبحانه وتعالى شهرا في القرآن باسمه إلا رمضان، الشهر الوحيد الذي ذكر في القرآن باسمه لخاصيته ولفضيلته. ذكر سبحانه وتعالى عدة الشهور في القرآن، وأن منها أربعة حرم، فذكرهم بصفتهم أنهم أشهر حرم ولم يسميهم، وما سمى أحدا من تلك الأشهر الحرم. قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم. وقال: الحج أشهر المعلومات. فما ذكر أشهر الحج وما ذكر الأشهر الحرم أبدا، الشهر الوحيد الذي ذكر هو رمضان، أما الشهور الأخرى ذكرت بصفتها. ها، والحاصل أن فرضية الصيام هي شهر رمضان، والدليل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أي من كان منكم حاضرا حيا مقيما غير مريض وغير مسافر فعليه بالصيام. ها، دونك l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, c'est seulement le mois de Ramadan. L'obligation du jeûne, c'est seulement le mois de Ramadan, chaque année. Et en dehors, les jeûnes, les autres jeûnes ne sont que des jeûnes surrogatoires. La preuve, dans le verset qui nous dit, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens, épreuve claire pour la bonne direction du discernement. Quiconque d'entre vous est présent, c'est-à-dire durant ce mois, c'est-à-dire il est vivant, il a la santé, il n'est pas malade, il n'est pas en voyage, bah qu'il le jeûne. Il est obligé pour lui de jeûner. Hein? Le mois de Ramadan, c'est le meilleur mois de l'année. Si on te pose la question, c'est quoi le meilleur mois de l'année, ta réponse doit être Ramadan. Hein? Il n'y a ni Rajab, ni Shaban, ni le Muharram, ni Rabi' al-Awwal, ou Rabi' al-Thani, ou Safar, ou Dhul Hijja, ou Dhul Qa'da. Abadan. La réponse doit être Ramadan. Allah a élu le mois de Ramadan. Et il lui a donné des particularités spécifiques. Allah l'a choisi pour descendre le Coran en dehors des autres mois. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas désigné dans le Coran un mois par son nom propre, à part Ramadan. C'est le seul qui a été désigné par son nom. Ceci est une spécificité pour le mois de Ramadan, qui prouve les mérites de ce mois et l'importance de ce mois et l'honorabilité de ce mois chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal a cité dans le Coran le nombre de mois. Et il a cité que quatre, il a dit dans le verset que quatre parmi ces 12 mois sont des mois sacrés. Et il les a désignés par leur qualificatif et non pas par leur nom. Dans Sourate le Repentir, le verset 36 nous dit: le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois, dont la prescription d'Allah, le jour où il a créé les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. C'est-à-dire 4 mois parmi les 12 sont des mois sacrés. Allah les a cités tout simplement par leur qualificatif et non pas par leur nom. Et le seul mois cité par son nom, c'est le mois de Ramadan. Comme dans l'autre verset concernant le pèlerinage et les mois du pèlerinage. Le verset 197 dans Sourate la Vache nous dit dans la traduction approximative du sens du verset, le pèlerinage a eu lieu dans des mois bien déterminés. Hein? Mais il ne les a pas nommés. Ces mois qui sont, hein? Shawwal, Dhul-Qi'da, et les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Ça, c'est la période du Hajj. Mais il ne les a pas nommés. Il a dit, ce sont des mois déterminés. Hein? Khlas. Il a dit que ce sont les mois de Hajj. Hein? C'est tout. Mais le seul qui a été nommé, c'est le mois de Ramadan. Là encore, donc dans le verset, il ne les a pas cités par leur nom. Le mois de Ramadan, c'est le mois de l'obligation du jeûne, conformément au verset qui dit « Celui qui est présent durant ce mois, qu'il le jeûne. » C'est-à-dire, comme j'ai dit, hein, comme disent les hommes de science, il est vivant, il n'est pas en voyage, il n'est pas malade, il n'y a rien qui l'empêche, pas d'excuses. Légiférer pour qu'il ne jeûne pas, il doit jeûner. Le mois de Ramadan, c'est l'obligation. Fama siwa siyam Ramadan laysa bi farida bal huwa tatawwu'. Wa nudhakkiru bi hadha hatta la ya'taqid al-ba'd anna siyam Arafa wa huwa afdal al-ayyam allati yanbaghi an tusam aw Ashura fard. Wa min huna al-ba'd yankar 'ala man la yasum عاشوراء ولا عرفة فمن صاف عاشوراء وصام عرفة أجر له الأجر الذي جاء في الحديث ومن لم يصومهم لم يأتم لم يأتي بإثم ولا ينكر عليه إنما يقال له أنه ترك الأولى والأفضل ترك الأولى والأفضل ها ولم يقع في إثم فلا بد لنا من اعتقاد الواجبات وتمييزها واستحباب المستحبات ولا يجوز أن نزيد في الواجبات ما ليس منها كما لا يجوز أن ننقص منها وأن نعلم أن المستحبات تكمل النقص الذي وقع في الواجبات يوم الحساب ولهذا كانت مهمة في حياة المسلم ألا ترى عندما يسأل العبد أول ما يسأل عنه الصلاة فإذا نقصت قال الله سبحانه وتعالى انظروا لعبدي هل له من تطوع لكي يكمل به تكمل به هذه الصلاة فهذا لكل الأعمال لها مستحبات تأتيك يوم القيامة لتنفس عنك من النقص الذي وقع منك في الفرائض ها فهي ليست بواجبة ولكن مهمة وستنفعك يوم الحرج يوم الوقوف بين يدي الله إذن en dehors du jeûne de Ramadan tous les autres jeûnes ne sont que des jeûnes surrogatoires et on ne doit pas blâmer celui qui ne les jeûne pas on rappelle cela pour que certains ne croient pas que le jeûne de Arafat, qui est le meilleur jour de l'année, ou que le jeûne de Ashura, sont obligatoires. Certes, celui qui jeûne Ashura et qui jeûne Arafat sera récompensé les récompenses qu'a annoncé le messager, alayhi salatu wassalam. Hein? Celui qui ne les jeûne pas n'a pas commis de péché. Et on ne doit pas le blâmer pour cela. Mais ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il a délaissé le mieux et le préférable pour lui. Il est obligatoire pour nous de croire en les obligations, que ça, ce sont des obligations. Et aussi que ça, ce sont des surrogatoires. Les obligations, on croit. irréfutablement que ceci sont, ce sont des obligations. Les surrogatoires, on les prend comme tels, ce sont des surrogatoires. Et il n'est pas permis de rajouter dans les obligations ce qui n'en fait pas partie. Comme il n'est pas permis de diminuer, d'en diminuer. Et on doit avoir à l'esprit que c'est les surrogatoires qui font compléter les lacunes et les erreurs et les manquements qu'il y a eu dans les obligations le jour des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'où l'importance des actes surrogatoires. Médite. Au jour des comptes, le premier œuvre sur lequel les comptes seront faits, c'est la prière. Si la prière y a des lacunes, elle n'était pas complète, Allah dit, regardez, c'est mon serviteur, il a des surrogatoires pour combler les erreurs. Ben, il en sera des mêmes pour tous les autres actes. Les erreurs, les lacunes seront comblées par le surrogatoire. D'où l'importance du surrogatoire. Il n'est pas obligatoire. Mais il est très important et il te sera d'une grande utilité. Le jour où rien ne sert à part les œuvres. Le jour des comptes, le jour de où on se retrouve devant Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu azza wa jal, kama qal, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. اختار أفضل الشهور لينزل فيه أفضل الكتب بسفارة أفضل الملائكة على أفضل الرسل في أفضل ليلة وبأفضل اللغات وبأشرف البقاع واختار هذا الشهر ليكون محلا لفريضة الصيام وجعل ما سواه من الصيام تطوعا انظر والله يختار ما يشاء اختار هذا الشهر لكي ينزل فيه كلامه سبحانه وتعالى أفضل الكتب القرآن بطريق عن طريق أفضل الملائكة وهو جبريل عليه الصلاة والسلام على أفضل البشر وأفضل الرسل وإمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وفي أفضل ليلة وهي ليلة القدر أفضل من ألف شهر وفي أفضل أرض ألا وهي مكة ها أشرف البقاع على الأرض فاختار الله هذا الشهر وجعل له هذه الخصوصية ليكون محلا لفريضة الصيام وصومه ركن من أركان الإسلام وهو صوم واجب وما غيره فصوم تطوع. Mais dites frères en Allah subhanahu wa ta'ala, le verset nous dit dans sa traduction approximative du sens, Allah subhanahu wa ta'ala crie ce qu'il veut et il lit ce qu'il veut. Subhanahu wa ta'ala. Il crie ce qu'il veut et il lit qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le meilleur des mois pour descendre le meilleur livre qui est sa parole, qui est le Coran. Sur le meilleur messager humain, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, durant la meilleure des nuits dans l'année, avec la meilleure langue, qui est la langue arabe, et par l'intermédiaire du meilleur des anges, qui est Jibril alayhi salatu wa sallam, et dont la meilleure et la plus noble des terres, qui est la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala a élu ce mois de Ramadan pour qu'il soit le temps de l'obligation du jeûne en dehors des autres mois. Et en dehors de Ramadan, tous les jeûnes que les musulmans accomplissent, ce ne sont que des jeûnes surrogatoires. Médite ces particularités, cette spécificité de ce mois. Hein? La dernière Hein, le dernier message a été descendu durant 6 mois. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran est descendue durant 6 mois. Lors de la meilleure des nuits qui vaut 1000 mois, qui est la nuit du destin. Sur la meilleure et la plus noble des terres qui est la Mecque. Et puis il est descendu par l'intermédiaire du meilleur des anges qui est Jibril. Sur le meilleur des êtres humains, l'imam de ceux qui ont préservé les droits d'Allah est le dernier messager, alayhi salatu wassalam. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a élu ce mois pour qu'il soit le mois de l'obligation du jeûne. وَكَانَ إِنْزَالُ الْقُرْآنِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ فَوْقِ الْعَرْشِ الَّذِي هُوَ فَوْقَ السَّبْعِ السَّمَاوَاتِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا جُمْلَةً وَاحِدَةً فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَهُوَ الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ فأما على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنزال جملة من عند الله إلى دار العزة في سماء الدنيا جملة واحدة كله. أما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان منجما مفرقا بحسب الحوادث والأسباب كما هو في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا فكان على مدار 23 سنة ولذلك قال حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه بالدين وبالتأويل قال رضي الله عنه وارضاه نزل القرآن من عند الله جملة واحدة في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العز في السماء الدنيا فمرة واحدة نزل في ليلة القدر في شهر رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على مدار 23 سنة حسب الأحداث والأسباب أن الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى descendu le Coran en entier du haut du trône qui est au-dessus des 7 cieux vers la maison de la Izza dans le ciel de ce bas-monde. Durant la nuit du destin, cette descente a eu lieu durant la nuit du destin. C'est ce qui est dit dans le verset 3, dans Surat la fumée, dont la traduction nous dit ceci, « Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, qui est la nuit du destin. » Et dans le premier verset dans Surat le destin, « Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit dal Qadr. » Hein? Et dans le verset dans Sourate la vache, le mois de Ramadan, au cours duquel nous avons descendu le Coran. Ça, en entier, cette descente. Mais en ce qui concerne la révélation à notre messager sallallahu alayhi wa sallam, ceci s'est fait graduellement selon les besoins du moment et selon les événements. Et selon les situations, comme cela est clarifié par le verset 106, dans Sourate le voyage nocturne. La traduction approximative du sens de ce verset nous dit, nous avons descendu le Coran fragmenté pour que tu le lises lentement aux gens et nous l'avons fait descendre graduellement. Cette révélation, après 23 années, c'est pour cela que l'océan de science et la montagne de science de cette communauté, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agré les nobles compagnons de Allah alim, à qui le messager a fait le dua en disant, oh Allah, donne-lui la compréhension du livre et la compréhension de la législation. Ce noble compagnon, radiallahu anhu arda, il n'y a aucun doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé le dua de son messager, parce que les dua des messagers sont exaucés. Ce noble compagnon a dit, le Coran est descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier lors de la nuit du destin, durant le mois de Ramadan, à la maison de la Izzah dans le ciel de ce bas monde. Face au mois Ramadan, فصوم رمضان أحد أركان الإسلام ودعائمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه فكلمة متفق عليه يقولها العلماء لماذا؟ لكي لا يعيد في الكلام رواه البخاري ومسلم ها؟ فهذا مصطلح والمتفق عليه من أعلى رتبة الصحيح أعلى رتبة الصحيح ما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم ويليه في الصحة ما رواه الإمام البخاري ويليه بعده ما رواه الإمام مسلم ها رحم الله أئمة المسلمين فمن أفطر في رمضان متعمدا دون عذر شرعي لا مرض ولا سفر فقد هدم ركنا من أركان الإسلام وأصبح على خطر عظيم فهذا وإن كان لا يكفره أهل العلم فهو على خطر هدم ركنا من أركان الإسلام وهو الصيام فهو على خطر عظيم لكن إن اعتقد أن الأكل والشرب والجماع في يوم رمضان حلال فهذا قد كفر وخرج من ملة الإسلام لأن فرضية الصيام من الأمور المعلومة بالدين من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا تخفى على كافة المسلمين ها؟ فهذا الذي يقول أنه حلال يأكل ويجامع ويشرب في رمضان خلاص خرج من الإسلام وكذلك الذي يستهزئ بالصيام فقد يستهزئ بالصيام ويسخر ويستهزئ من الصائمين حتى وإن صام واعتذر بأنه كان يسلي صيامه فكفره ككفر المنافقين الذين كانوا يستهزئون بالدين عندما كان الصحابة راجعين من غزوة تبوك ها؟ فأعاذنا الله من الكفر كله دقه وجله صغيره وكبيره فالإنسان يحذر ما يخرج من لسانه ألا يكون عنده استهزاء بدين الله وبما شرعه الله ترى بعض الناس يستهزئ بالحجاب يا أخي الإسلام أنت على خطر عظيم يستهزئ باللحية أنت على خطر عظيم انتظر ما سينتظرك أمام الله إن لم تتب لله عز وجل وإن لم يغفر لك الله فسترى ماذا سيقع لك عند لقاء الله عز وجل يستهزئ بمن يقصر توبه ويرفعه فوق الكعبين هذه من الشعائر من شعائر الدين فلا يستهزأ بالدين ولا لأن هذا استهزاء بدين الله عز وجل وبما شرعه الله سبحانه وتعالى فكيف يحلو للإنسان أن يستهزأ ما وجدت ما تسلي به وقتك وتضحك به الناس بعضهم يفعله لإضحاك الناس ما وجدت بما تضحك به الناس إلا السخرية من الدين من دين الله عز وجل ومن أوامره ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالأمر خطير جدا وكثير منا لا يبالي بما يخرج من فيه وينسى أن كل صغيرة وكبيرة سيجدها ويقول يوم لقاء الله ما لهذا الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ها فلنتق الله هذا يجب أن نحبسه هذا اللسان أن نتمكن منه، لأنه يودي بنا إلى غضب الله وسخطه سبحانه وتعالى. Donc le jeûne du mois de Ramadan est un des piliers parmi les piliers fondamentaux de l'islam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'islam est basé sur 5, l'attestation de foi, ni digne d'être adoré qu'Allah, et Muhammad est le soumis, le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage et le jeûne du mois de Ramadan. Ce hadith a l'unanimité des hommes de science. Les hommes de science utilisent ce terme « muttafaq alayh » pour ne pas répéter que le hadith est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Hein? Et le « muttafaq alayh » c'est le summum des hadiths authentiques. Il vient en deuxième partie ce qui est rapporté par le Bukhari et en troisième partie ce qui est rapporté par l'imam Muslim « rahmatullahi ala immati al-muslimin ». Ce hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, hein? Ce hadith, هذا الحديث عليه مدار الدين مدخله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن تشهد أن الله وحده هو المستحق للعبادة وأن تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخاتم للرسل والأنبياء الذي يستحق الاتباع فلا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء والصحابة إن اتبعناهم فنتبعهم تبعا لاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ها؟ فهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتبعهم على ذلك الاتباع الذي عندهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دوك سو حديث ها كيف se trouve les piliers c'est un pivot de la religion dans lequel se trouvent les piliers de la religion et l'entrée de cette religion c'est l'attestation de foi ni digne d'être adoré qu'Allah. Cela veut dire que le culte doit être réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah subhanahu wa ta'ala doit être adoré uniquement et exclusivement. Et que Muhammad est son messager, le dernier des messagers est son messager et que cette attestation implique le fait de le suivre. Hein? Le fait de le suivre, alayhi salatu wassalam. Donc, ni digne d'être adoré qu'Allah et ni digne d'être suivi, le suivi absolu que le messager d'Allah, les compagnons ridwanullah alayhim, ainsi que les hommes de science, ainsi que les pieux prédécesseurs qui les ont suivis à la perfection. On les suit dans le suivi du messager alayhi salatu wassalam, parce que les compagnons et ceux qui les ont suivis à la perfection ont pris le chemin des nobles compagnons ridwanullah alayhim. Donc, celui qui rompt le jeûne durant le mois de Ramadan, durant la journée de Ramadan, sans excuse légiférée. Il a détruit un des piliers de l'islam et il est dans une situation très dangereuse. On ne dit pas qu'il est mécréant, les hommes de science ne disent pas qu'il est mécréant. Mais s'il dit et qu'il croit que c'est licite de manger, de boire et d'avoir des rapports conjugaux avec son épouse durant la journée de Ramadan, il est sorti de l'islam. Dans ces cas-là, il devient mécréant comme n'importe quel mécréant. Car l'obligation du jeûne du mois de Ramadan est quelque chose qui est connu de tous les musulmans. C'est quelque chose hein, qui n'est pas caché. C'est quelque chose qui est connu de tous les musulmans à travers la planète. Il en est de même, celui qui s'en moque du jeûne et des jeûneurs, même s'il jeûne, il prétexte avec sa moquerie, hein, qu'il passe tout simplement le temps, qu'il agrémente le temps de son jeûne, bah, il est tombé dans la mécréance dans laquelle sont tombés les hypocrites qui se sont moqués de la religion de Allah Azzawajal en revenant du voyage de Tabouk. Il est tombé dans la même mécréance qu'eux. Ils se sont moqués de la religion d'Allah et du messager et de ses compagnons, le verset est descendu, décrétant leur mécréance. Mais il en est de même pour tout un chacun qui se moque de n'importe quoi de cette religion. Ben, il a pris la porte de sortie. Lui-même. Tu vois, certains font pas attention à ce qu'ils disent. Ils débutent, ils se moquent de là-bas, alors que c'est la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et c'est la sunna de tous les prophètes, alayhi salatu wassalam. Ils se moquent du hijab de la femme. Ils se moquent de la personne qui a son pantalon qui est élevé au-delà de sa cheville. Alors que tout ceci, ce sont des lois qui sont dans la religion d'Allah, instaurées par Allah et instaurées par son messager, alayhi salatu wassalam. Donc nous devons faire très attention à ce que nous débitons comme parole. Que ça ne soit pas des paroles qui vont nous envoyer au fin fond de l'enfer et qui vont nous sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, c'est pas une mince affaire de se moquer de la religion d'Allah et de se moquer de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de la mécréance subtile et apparente, majeure et mineure. ها ونقف عند هذا الحد إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا.